une petite précision, vous allez voir, il y a un article sur la législation protectrice du bureau d'intention du travail a été coécrit avec Céline Chenny, donc il sera souvent question aussi dans la prévention, parce qu'on a travaillé étroitement à la fois dans les archives et à la fois pour elle pour sa thèse, moi pour Damien, et puis pour un certain nombre de nos articles et de présentation. Donc, pour commencer, j'aimerais remercier très vivement Martine Sonnet pour avoir mis en place ce séminaire, d'une part parce qu'il met au centre d'une réflexion collective en histoire le travail, ce qui est relativement rare, à part dans les groupes informels, du moins ce que je connais, mais comme je m'intéresse à l'histoire du travail, j'ai la prétention de connaître un peu. Et ensuite, non seulement parce que le travail est au cœur des investigations, mais aussi parce que selon l'angle et l'approche choisie, j'ai été moi-même amenée à revoir mes sources et mon propre travail par le biais de l'écriture donc autoproduite par des femmes ou par l'écriture sur le travail des femmes qui sont évidemment inscrites dans les rapports de domination de leur époque, mais néanmoins produisent elles-mêmes des sources. En effet, quand j'ai commencé mon travail de master qui est poursuivi dans la thèse et dans d'autres recherches, en conséquence, je pense à l'enseignement que j'avais reçu et aux limites visibles des sources dans les archives, je me suis principalement intéressée à la construction et à la perpétuation de la division sexuelle du travail, ce qui consiste la plupart du temps à chercher et à étudier des documents provenant de groupes dominants, donc les groupes dominants dans le rapport sexuel, syndicat, patronat, État. Or, au cours de mes recherches, je suis tombée à multiples reprises sur des traces d'actions féministes, qu'elles se prennent ainsi ou pas, exercées dans le cadre d'une activité professionnelle ou militante, et souvent professionnelle et militante, qui contestent précisément la division sexuelle du travail de multiples manières. Autrement dit, comme l'a souligné Françoise Thépeau récemment dans son article entre parcours intellectuel et essai de l'histoire, publié dans la revue Genre Histoire qui est en ligne, je cite, « Toute chercheuse en histoire des femmes rencontre en effet les mouvements des femmes, 1970 n'étant aucunement l'année zéro revendiquée par reconnaissance du passé. » Mais précisément aussi parce que, comme le dit toujours Thébault, il y a un déficit ou une rupture dans la transmission des anciens mouvements féministes, jusqu'ici j'ai eu rarement l'occasion, en disant je l'ai fait au fur et à mesure, mais je me suis rarement attardée exclusivement sur cet apport à l'histoire du travail. Et c'est ce que j'ai l'opportunité de faire aujourd'hui, et l'intention aussi, à travers le cadre du Bureau international du travail, pour la période surtout de l'entre-deux-guerres, où nous le verrons, militants et travail vont de pair dans pratiquement tous les cas de figure. Alors, quelques mots sur les archives, puisque j'avais pensé les présenter au début de ce séminaire, je pense que c'est assez intéressant pour toute personne qui peut être intéressée à travailler sur ce domaine. Donc, le VIT se trouve à Genève, c'est le secrétariat permanent de l'Organisation internationale du travail. Et en plus de traiter précisément du travail, présente grand avantage d'avoir gardé et de mettre à disposition dans des conditions optimales un très large fonds d'archives. Pour commencer, et ceci est en fait suffisamment rare quand on travaille sur le travail, pour le souligner, il y a toute une série de cartons qui est très importante, qui sont inventoriés sur la cote WN pour Women, Women's Question plus précisément. Et donc ça donne d'emblée une prise avec l'objet d'études beaucoup plus rapide que dans par exemple les archives de syndicats, même si les syndicats travaillent sur le travail aussi, et où les femmes, les actions contre ou avec les femmes sont vraiment présentes. Donc les archives que j'ai consultées porte sur la période depuis la création du Bureau international du travail jusqu'à la pré-première guerre mondiale. Donc tout ça est bien inventorié. Il y a des importants travaux d'inventorisation qui sont toujours en cours, notamment parce que le BIT organise la fête du centenaire. Donc ça représente des apports très importants pour les archives et pour les historiens et historiennes. Alors et les archives que j'ai consultées touchent principalement le Bureau international lui-même, mais également la Suisse, la France et la Suède, parce que la particularité, comme nous allons le voir, de ce lieu, est non seulement de faire des recommandations sur les législations internationales, des conventions, etc., mais aussi de récolter des informations sur les pays membres. Je ne vais pas faire évidemment un inventaire exhaustif de ces archives, mais il me semble important de souligner quelques types d'archives que l'on trouve, que je vais citer et que vous trouvez aussi en partie dans le petit dossier que j'ai pu photographier ici, puisque ça répond précisément à la question des sources autoproduites. Alors, comme c'est indiqué sur le site du séminaire, une partie des documents à disposition est composée de rapports internes écrits par des fonctionnaires du BIT et aussi des rapports qui sont à usage extérieur, donc qui sont publiés dans différentes revues, la revue du BIT en particulier. S'y trouvent également dans les archives des statistiques sur plusieurs pays qui sont recompilées ou se trouvent en état brut telles qu'elles ont été envoyées par des tiers. Des courriers, énormément de courriers adressés aux fonctionnaires du BIT, soit pour exprimer un avis, soit pour fournir des informations ou pour proposer de l'aide. Il y a aussi, dans ces courriers ou dans les rapports envoyés par les membres, des positions de différentes organisations nationales qui sont utilisées par les représentants du BIT ou disons les personnes autorisées à représenter un pays au sein du BIT, donc qui utilisent des rapports de personnes ou de groupes nationaux pour défendre une position au niveau international. Donc tout ça, ça donne beaucoup de matériel. Donc évidemment, là-dedans, on trouve des avis exprimés par des associations féministes ou syndicats ou politiques féminins. Ensuite, et c'est parfois d'une très grande utilité pour les historiennes et les historiens, tous les dossiers contiennent simultanément aux documents officiels des notes internes, qui sont en quelque sorte des notes officieuses, si je peux me permettre l'extrapolation, c'est un peu comme les emails d'aujourd'hui, donc soit elles accompagnent les documents, soit elles notent, disons, elles gardent la trace de petites invectives ou de recommandations qui ne sont pas évidemment à un usage public, donc ça c'est, on va le voir aussi dans les dossiers, une source très importante. Après, tous les fonctionnaires qui sont salariés par le BIT détiennent un dossier personnel qui comporte à la fois un CV mais à la fois aussi des évaluations du travail tous les 6 mois ou tous les ans, avec des avis aussi d'augmentation des salaires, etc. Alors, se pose ici une question épineuse qui est traitée notamment dans le travail que nous avons présenté avec Céline. C'est pour toutes les personnes qui collaborent avec le BIT, mais qui ne sont pas salariées, dont les femmes font la grande majorité, qui, elles, ne détiennent aucun dossier puisqu'elles ne sont pas contractuelles au BIT. Donc, pour elles, c'est beaucoup plus difficile de trouver à la fois leur inscription institutionnelle ou leur parcours. Et ce qui fait évidemment aussi qu'elles disparaissent de son travail. Donc aujourd'hui, mon exposé va s'appuyer sur quelques-unes de ces divers types de sources et va se structurer de la manière suivante. D'abord, un bref historique de l'Organisation internationale du travail. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas du tout important aujourd'hui, mais bien sûr, s'il y a des questions, on peut y revenir. C'est une organisation assez complexe avec plusieurs organes d'exécution de travail. Et ensuite, le propre de mon exposé va être composé en deux parties. Une première sur le travail suscité par la création de l'organisation dans les rangs des organisations féminines et féministes, qui de fait est un objet de lutte. Et une deuxième partie sur le travail au sein même du BIT. Donc BIT, je vais le dire BIT, c'est le Bureau international du travail. À la fois pour quelques employés, dont j'ai pris l'exemple aujourd'hui, mais aussi en termes de directives et rapports de fonctionnaires face aux organisations féminines et féministes. J'espère ainsi que dans la partie discussion, on pourra discuter notamment sur les stratégies professionnelles et militantes qui sont mises en place par des femmes féministes à cette époque. Ok, donc après une minute d'introduction, je pourrais lancer sur le BIT qui est créé suite à la création de l'Organisation internationale du travail, qui a lieu en 1919 sous l'égide du traité de Versailles. Donc, dans un premier temps, durant 2 mois, au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale à Paris, se réunit une commission de législation internationale du travail qui est chargée de mettre en place, dans le cadre de ce traité de paix, une institution dont l'objectif est d'uniformiser les conditions de travail dans les pays membres. Alors, cette commission aura une tâche importante puisque c'est elle qui va fixer les statuts de l'organisation, c'est elle qui va réglementer les pouvoirs des pays membres, Et aussi celle qui va établir les premières conventions internationales à adopter lors de la première conférence du travail qui a lieu en Washington à la fin de 1919. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les deux missions principales de l'OIT et donc du BIT sont d'une part de constituer la source la plus exhaustive possible sur les conditions d'emploi dans les pays membres de l'organisation, et évidemment d'augmenter le nombre de pays membres de l'organisation, et d'autre part, celle d'instituer un cadre normatif uniforme de la réglementation du travail dans le plus de pays du monde possible. Et c'est probablement cette double mission qui explique l'importance de la politique du BIT auprès ou pour les différentes associations féminines féministes. Je ne peux pas ne pas le dire, la volonté d'introduire une protectrice du travail uniforme précisément à la sortie de la Première Guerre mondiale est évidemment liée non pas seulement à la concurrence, à diminuer la concurrence entre les pays, mais surtout à contrer les mouvements révolutionnaires qui ont lieu un petit peu partout en Europe. Évidemment, on n'est pas très loin de la révolution russe, mais il y a aussi des mouvements révolutionnaires en Allemagne. Il y en a aussi en Suisse et dans d'autres pays. Mais le mouvement ouvrier gagne en force et se radicalise en plus. Donc l'Organisation internationale du travail va fonctionner par cooptation d'une partie du mouvement ouvrier. Et dans ce sens-là, ça va quand même être la première institution qui va statutairement donner le même poids de représentativité aux organisations syndicales, aux organisations patronales et à l'État. Donc ce fonctionnement tripartite est toujours d'ailleurs à la base de cette organisation. Alors, ça, c'est brièvement pour la création. Et puis maintenant, je rentre dans cette première commission qui se réunit, la commission de la législation internationale du travail, qui donc va élaborer les statuts. Elle est composée de 15 personnes, c'est pas beaucoup de monde. Et donc, parmi ces 15 personnes, sont représentées 2 personnes par pays vainqueur de la guerre, donc la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Italie et le Japon. Et ces 10 personnes choisissent 5 autres. Donc tout ça pour montrer qu'il y a quand même une concentration des décisions au sein d'une très petite partie des Européens et Européennes. Et la France, et en partie l'Angleterre, vont jouer un rôle très important dans cette institution, comme d'ailleurs dans la SDN. D'ailleurs, les deux premiers, on peut le voir aussi, parce que les deux premiers directeurs du BIT seront successivement Albert Thomas, le Français qui était ministre de l'Armement durant la guerre, et puis ensuite Harold Butler, qui est lui anglais. Et chose aussi intéressante, les rares femmes qui ont accès au poste de membres de section, donc qui ont un statut de fonctionnaire plus ou moins qualifié, proviennent d'Angleterre et de France. Ça, c'est l'information, on la trouve dans le travail de François Stébault, qui s'appelle Les femmes au BIT, l'exemple de Marguerite Hibert, publié dans Femmes et relations internationales du XXe siècle. Alors, cette commission, il faut savoir 2 choses. Premièrement, elle est très peu surprenante, elle est composée par 15 personnes de sexe masculin, même si la représentation des syndicats patronat État est au contraire mise en évidence et est importante. Deuxièmement, et ça on le sait moins, et c'est peut-être, en tout cas pour moi, ça a été une plus grande surprise, à partir du moment où cette commission s'attelle à fixer les statuts dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a des protestations et des demandes qui viennent de la part de plusieurs associations féministes nationales, donc pour la France et aussi internationales, qui revendiquent plusieurs choses, et je vais m'attarder brièvement sur cette partie-là, sur ces origines de l'OIT et la lutte qui s'y fait. Donc, selon le procès verbal des séances de la commission qui est publié, donc si ça vous intéresse, je peux vous donner la référence, la conférence de paix impose à cette commission d'accueillir une délégation de femmes provenant des associations féministes, puisqu'elle a décidé que dorénavant, toutes les commissions qui sont spécialement concernées avec des matières ou avec des thématiques qui touchent aux intérêts des femmes doivent accueillir une délégation d'associations féministes et féminines. Ce qui est intéressant, c'est que la seule personne qui proteste au sein de la commission, c'est Léon Jour, qui est secrétaire syndical de la CGT, qui va jouer un rôle très important à la fois en France, mais aussi au sein du BIT. Car, dit-il, ce ne sont pas des organisations ouvrières à proprement parler, je cite, mais des sociétés féministes à caractère politique. Le président de la commission lui retorque que la commission n'a pas le choix, elle le recevra, c'est ce qu'elle fait le 18 mars. Et c'est une séance qui dure passablement longtemps, donc le procès verbal s'étale sur à peu près, je sais pas, une quinzaine de pages, ce qui est relativement long. D'ailleurs, ils interrompent la séance à la fin de leur, à la fin, en fait, de leur demande et revendication, et ils reprennent ces demandes un peu plus tard, ce qui montre aussi que ça, c'est conséquent. Par ailleurs, donc j'ai dit, c'est une commission de 15 personnes et la délégation des organisations comporte 13 personnes. Donc si vous, il y a quand même un rapport aussi du nombre de personnes qui est important pour ceux qui s'imaginent comment ça se passe. Donc évidemment, c'est quand même, je pense, assez impressionnant. D'ailleurs, le président le dit à plusieurs reprises. Alors il y a 6 différentes organisations, je ne vais pas les citer toutes, il y a le Conseil international des femmes, l'Alliance internationale pour le suffrage féminin, donc qui sont des très vieilles organisations internationales féministes qui revendiquent les droits politiques avec des tendances plutôt réformistes, on va dire, mais qui sont quand même sont en partie aussi qui ont aussi des positions égalitaires. Par exemple, Brunswick, elle fait partie de la commission de l'Alliance internationale pour le suffrage féminin. Il y a quelques syndicats, quelques organisations syndicales. Et il y a aussi Maria Véron de la Ligue française du droit des femmes, qui, elle, est par contre, donc la Ligue française des droits des femmes, qui est une organisation féministe qui peut être qualifiée de radicale, c'est-à-dire qu'elle a des positions tout à fait directes et ne fait pas de concessions, disons, avec la politique inégalitaire. La délégation est majoritairement composée de Françaises, comme ça s'explique par le fait que ça se passe à Paris, ça s'explique par l'importance de la France pour la création de l'OIT. Mais elle est aussi composée d'autres pays qui sont aussi vainqueurs de la guerre. Et en fait, là, on voit très bien ce qu'on voit aussi dans d'autres lieux de l'associationnisme féministe, c'est qu'à la fin de la guerre présente une difficulté pour les féministes des différents pays qui ont collaboré ensemble avant et pendant la guerre de se mettre ensemble parce qu'il y a la frontière, disons, entre les pays ennemis. D'ailleurs, c'est un argumentaire que Maria Véron, par exemple, va utiliser pour argumenter ses revendications d'égalité. Elle va opposer les pays ennemis aux pays alliés. Alors, ces associations exposent plusieurs considérations d'inégalité et formulent de nombreuses résolutions demandant à être intégrées dans la constitution de l'Organisation internationale du travail. Notamment, elles demandent l'abandon de législations protectrices uniquement pour les femmes, en demandant une législation protectrice pour tous et pour toutes, avec une seule exception qui devrait être pour les femmes enceintes, donc une assurance maternité payée. Une revendication qui est très ancienne. Ensuite, c'est très intéressant parce que dans leur argumentaire, elles focalisent et séparent complètement la protection spécifique des enfants, évidemment de la protection des femmes, puisque, il faut le savoir, dans les législations sur le travail, les femmes et les enfants sont toujours amalgamés. Donc elles, en arrivant et en disant « nous, on est pour la protection des enfants », elles, indirectement, veulent séparer ces deux sujets, puisque, de fait, il n'y a pas de lieu qui soit aussi énorme. Elles demandent le salaire minimum, elles demandent l'égalité des salaires en tant que convention à faire adopter par la première conférence du travail. Et elle demande aussi une insertion explicite dans les statuts que les représentants des États doivent être des femmes et la constitution de comités non mixtes nationaux qui devront obligatoirement être consultés pour tout projet de législation qui vise le travail des femmes. Donc c'est des revendications qui sont très claires. Je m'arrête là avec l'énumération, il y en a beaucoup d'autres. Mais ce qui me semble particulièrement important à souligner à cette étape sont trois choses. D'une part, que les femmes organisées font des démarches tout à fait explicites et tout à fait professionnelles, puisqu'elles sont préparées sur le terrain du travail de l'Organisation internationale du travail ou de la commission qui la prépare. Elles prennent la parole en public, elles ont fait un travail en amont, elles font des propositions de collaboration. Maria Véron, par exemple, souligne dans son exposé qu'elle aurait bien aimé pouvoir envoyer une déléguée de son association, afin que la commission ne soit pas seulement composée d'hommes. Donc elle met tout de suite le doigt sur la non-mixité quand elle la voit dans cette commission. Par conséquent, et je pense que c'est là un point important, si le BIT ne retient qu'une très faible partie de leur revendication, cela va pas du tout de soi, et ça représente clairement un positionnement politique au niveau de l'égalité en France. Deuxièmement, pour féministes que leur position soit, Elles ont un caractère général puisqu'elles ne se contentent pas de parler de la cause des femmes, mais bien au contraire, elles parlent de la construction d'une société où la législation du travail doit concerner tout le monde et doit protéger tout le monde afin d'arriver à un bien-être général. On peut discuter sur ça, mais en tout cas, elles se présentent ainsi. Troisièmement, elles revendiquent des positions de compétence et de force, ce qui est d'ailleurs attesté par le président qui, à la fin, félicite les délégués de l'habileté avec laquelle elles ont su présenter leur cause. Donc elles n'attendent pas sagement qu'on leur propose une aide ou qu'on les convoque pour traiter certaines questions. Elles se posent d'emblée en tant qu'expertes. Elles demandent d'ailleurs, dans le texte, c'est écrit précisément, les consultations doivent être faites auprès de personnes autorisées. Donc elles se mettent dans la position de personnes autorisées à parler du travail. Alors si elles sont écoutées, même si c'est parfois avec condescendance, cela signifie également qu'à la sortie de la Première Guerre mondiale, du moins, elles sont dans un rapport de force suffisant pour obtenir quelques représentations publiques et le droit à l'expression de leurs intérêts. Le président de la commission trouve d'ailleurs nécessaire de justifier la composition de la commission face à la remarque qu'a fait Maria Vérone, sous le prétexte que les organisations féminines ne se seraient pas manifestées auparavant. Donc ça fait véritablement débat, ce n'est pas une phrase qui ne sont pas entendues. Alors, donc cette idée-là que j'ai dit, c'est que qu'il y a un rapport de force suffisant pour faire entendre leurs idées, même si elles ne sont pas acceptées, va se matérialiser aussi avec la suite de l'histoire du PIT, où les prises de position féministes sont combattues par notamment Albert Hammer, qui est directeur, mais qui en même temps sont tenues en compte. Donc il va se produire, comme pour le mouvement ouvrier, même si ce n'est pas dans la même mesure, une volonté de cooptation de certaines franges du mouvement féminin féministe européen, du mouvement européen mais aussi des États-Unis, et au contraire une lutte contre les positions les plus radicales féministes. Alors, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, parce que là j'ai parlé des Françaises au moment de la commission, mais il faut savoir que toute cette prise de position de différentes organisations se perpétue tout au long des années 20, tout au long des années 30, et se manifeste dans différents pays. En Suisse, ça se manifeste aussi par une lettre qui est envoyée au gouvernement avec copie au BIT, dans laquelle l'association pour le suffrage féminin s'oppose à une réglementation protectrice du travail, donc avec les mêmes arguments, demande une législation protectrice pour tout le monde. La même chose se fait également aussi en Suède. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais juste dire ce que je trouve intéressant quand on regarde les différentes positions, c'est que les associations nationales s'appuient les unes sur les autres pour argumenter leur discours. Donc il y a un réel appui, on prend appui sur les dires d'autres féministes qui se sont présentées dans d'autres cadres, souvent dans des cadres institutionnels, donc pour les rendre intelligibles à leurs interlocuteurs, qui sont souvent des hommes politiques ou des fonctionnaires ou des dirigeants syndicalistes. Mais néanmoins, il y a un recours au discours autoproduit par les femmes pour défendre des positions féministes. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important qui figure pratiquement dans beaucoup de sources. Voilà, et donc là j'avais pris l'exemple aussi d'une lettre ouverte qui est faite à la première conférence du travail par deux associations sociodémocrates féminines suédoises, l'une du parti, l'autre du syndicat, qui intervient avec les arguments que j'ai dit, je ne vais pas en répéter. Par contre, je vais reprendre juste la fin de leur lettre, parce qu'elle rentre un peu, elle prolonge la réflexion que je viens d'émettre. La lettre se termine ainsi. En anglais, alors je vous dis en anglais s'il y a besoin, je reviendrai. We voice the hope that the Congress will see to it that the rights of women as citizens and individuals are vindicated and that etc. etc. Alors là, il y a quelque chose pour moi de très important. On exprime à vive voix un espoir, mais on s'exprime surtout, on s'appuie sur les droits civils, gagner en Suède pour les poser comme quelque chose de tout à fait universel, alors même par exemple en France, elle n'existe pas. Et Cette phrase-là, pour moi, elle montre que comment la scène internationale permet une plus grande marge de manœuvre pour différentes associations qui peuvent se situer par contre dans leurs actions sur des terrains nationaux. Alors, je saute un peu, peut-être je vais revenir après sur la politique d'engagement des femmes du terrain international qui travaillent, parce que je vais en parler tout à l'heure avec des exemples concrets, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Je vais directement juste dans les années 30 où il y a des oppositions au PIP qui sont exprimées notamment par une nouvelle association féministe qui se crée en 1926, qui est l'Open Door International, qui fait suite à une scission avec l'Alliance pour le suffrage féminin et qui se donne pour mission de contrer la politique du PIP au niveau international. Donc, vous pouvez retrouver ces informations notamment dans la thèse de Céline Chenin qui a été défendue en mars 2009 à l'Université de Lausanne. Je peux vous donner les références. Et aussi dans, en partie dans l'article que vous avez fait circuler. Je ne vais pas insister beaucoup dessus, mais ce que je trouve intéressant, et là je vais vous faire passer un document que je ne vais pas analyser parce qu'il est très long. Donc en fait là, c'est un dossier qui a été envoyé par l'Open Door International au directeur, disons, BIT, adressé au directeur du BIT, avec toute une série de revendications qui sont signées par différentes associations, donc un travail très important de constitution, de source, de recherche des conditions de travail des femmes. Et puis, en haut, donc à la première page, il y a la note que Albert Thomas donne à ses collaborateurs sur le fait que ces interventions de l'Open Door, parce qu'ils s'adressent au BIT pour pouvoir distribuer leurs documents à tous les représentants des États membres. Et donc, elles ont apparemment réussi par surprise. Et Albert Thomas est particulièrement irrité par cette action. Et il interdit dorénavant à faire circuler les documents, notamment de l'Open Door, avec lequel ils sont en bataille. Je fais passer le dossier. Je veux bien le récupérer parce que c'est ma photographie de source. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire dessus. Encore sur les différentes revendications qui sont émises par différentes associations et par le comportement qui est visible dans les sources des fonctionnaires du BIT. Notamment, là vous l'avez dans le dossier, une association, le Medical Women's Association, qui en 1928 envoie une revendication contre la législation particulière sur la levée de poids en fonction du sexe, et qui utilise évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, son inscription institutionnelle et professionnelle en tant que médecin, et donne des arguments sur le fait que c'est absolument non scientifique et non utile. Alors la réponse toujours de Albert Thomas est assez cinglante. Pour la Fédération des femmes médecins, il suffira d'accuser à réception, dire que cela est arrivé trop tard pour la conférence, pas de problème. Il en sera tenu compte dans tout le travail scientifique que nous poursuivons, qu'elle s'adresse au gouvernement, etc. Et puis ensuite, il y a un autre fonctionnaire qui rajoute, je vois ce dossier pour la première fois, j'ai pris bonne note de ces hérésies scientifiques et je soumettrai les temps venus ces opinions, etc. Il suffit du reste de lire les derniers mots de la première résolution pour comprendre que la science n'a rien à voir dans ses conclusions, puisque l'argumentaire de l'association des femmes médecins est que la législation particulière sur la levée de poids en fonction du sexe va surtout empêcher l'emploi des femmes dans certains domaines. Donc là, on a une vraie bataille que les femmes essayent de situer sur le niveau professionnel et que les fonctionnaires du BIT remettent systématiquement sur le plan politique, alors bien même qu'on ne peut pas dire que les personnes qui sont embêtées sont en raison de prise de position politique. Alors, donc, je m'arrête là, je vais passer à la deuxième partie de mon intervention, qui sont les parcours de quelques fonctionnaires. Parce que qu'est-ce qui se passe? Alors, le BIT, au moment de sa création, n'engage personne en particulier pour travailler sur les questions de l'emploi des femmes. Cependant, petit à petit, Ce fera apparemment sentir un besoin d'interagir d'une part avec les organisations féminines féministes pour légitimer l'option prise par le BIT de législation spécifique protectrice, et d'autre part de constituer ainsi une soupape aux revendications de différentes organisations, et de ce fait vont être mis en place la consultation des personnes autorisées, celles dont parlent les organisations féministes en 1920, vous vous rappelez, sur les thématiques qui touchent directement au travail des femmes. Donc tout ce travail-là va être progressivement mis en place et élargi, et ça se manifeste notamment par trois manières. D'abord dans le parcours professionnel de Martha Mundt, ensuite par la création d'un comité de correspondance sur les questions du travail féminin dans les années 30, et enfin, aussi dans les années 30, par la création d'un service du travail des femmes et des enfants dont Marguerite Hibert est la directrice, même si elle est officiellement, elle n'a pas le statut de chef de section. Elle est donc directrice, elle dirige ce service entre 1933 et 1948. Alors pour plus de renseignements sur ça, je vous renvoie aux différents articles qu'a publiés Françoise Thébault, et elle va écrire prochainement, enfin, je pense qu'elle est en train d'écrire une sous-presse, une biographie, voilà, livre sur elle. Bon, évidemment, il y aura beaucoup plus de choses. Alors là, je vous invite à prendre en fait le premier dossier, là où il y a la photo. Donc ça, c'est quelques pages du dossier de Martha Mundt, je le trouvais assez intéressant. D'une part, parce qu'il y a une photo, donc c'est toujours bien. D'autre part aussi, parce que c'est une fiche personnelle, et donc ça donne aussi, ça incarne les personnes de qui on parle. Ensuite, on voit comment elle inscrit son propre parcours, donc comment elle argumente. Il n'y a pas de CV, par exemple, elle met par contre, il y a ces notes-là. Qu'est-ce qu'elle met en avant, qu'est-ce qu'elle met en avant. On voit ses différentes aptitudes aussi, celles qui, notamment de langue. Et puis après, il y a deux documents très intéressants, puisque c'est des ordres de mission. Donc c'est quand on demande aux fonctionnaires de participer à une conférence au nom du BIT. Et vous pouvez très bien voir que ce sont des documents pré-imprimés, dans lesquels seul le monsieur et il rentrera à Genève est inscrit. Donc ça demande, ça dit des choses sur le fonctionnement, mais ça demande aussi une correction au cas où il s'agit de l'admission fonctionnelle. Alors, Martha Mundt, elle a un parcours assez intéressant dans le sens dans lequel je l'exprimais tout à l'heure. Elle rentre au BIT dès septembre 1920 avec un contrat précaire, ce qui semble tout à fait la norme au BIT. Avant d'être engagée en septembre 1922 à titre permanent comme membre de section, donc avec une reconnaissance de ce qu'il y avait avec une hausse de salaire et une reconnaissance de ses compétences professionnelles. Avant de rentrer au BIT, évidemment, elle maîtrise quatre langues sans aucun problème. Elle a aussi collaboré au Sozialistische Monatshef, qui est en fait un journal de l'aile droite du Parti Socialiste Allemand. Et elle fait partie, étonnamment, durant 2 ans de la délégation de la paix à Paris. Donc ça explique aussi probablement les raisons pourquoi elle arrive à rentrer au Bureau international du travail. D'ailleurs, il y a une lettre qui figure dans son dossier où elle n'hésite pas à s'adresser aux connaissances qu'elle a pour demander d'être recommandée pour être engagée au BIT. Alors, il y a plusieurs rapports de ses activités. Et ce qui est mis en évidence très rapidement, c'est qu'en plus de sa première charge, qui est celle de faire des revues de presse dans diverses langues et de faire suivre les informations la section d'information du BIT, je cite un rapport du 1922, elle a été en outre chargée de suivre les questions relatives au travail des femmes et des enfants et au mouvement féministe, et de centraliser toutes les informations à ce sujet. Cette nouvelle tâche a déjà amené des résultats appréciables. Dans ce rapport, on comprendra très bien quels sont les résultats appréciables. Par contre, ça se précise au fur et à mesure des années. En 1924, ainsi, son supérieur hiérarchique écrit « Je confirme mon opinion très favorable sur Mademoiselle Mundt, parce qu'il doit évaluer son travail, et du coup, on évalue carrément elle. » Elle sait étendre régulièrement les relations du BIT avec le monde des femmes. De plus en plus, celle-ci s'adresse à elle pour être informée des sujets dont elle s'occupe. Elle a su faire une belle propagande pour l'Organisation internationale du travail, notamment en ce qui concerne la protection des femmes et des enfants. Alors, c'est là déjà, donc 24, on voit qu'elle prend de plus en plus, elle joue de plus en plus en rôle dans la personnalité. Puis ensuite, on va voir qu'elle joue aussi un rôle dans la lutte contre les organisations égalitaires. Donc, je cite un rapport excusez-moi, je coupe. Je cite un rapport de 26, de novembre 26, c'est en anglais. Ça va en anglais en fait, je sais pas si The work of Mademoiselle Mundt continues to expand. Donc, il y a de plus en plus de travail. Her developing relations with the great Women's International Organization involve her in more and more work. These relations are very cordial, thanks to the tact and ability which Mademoiselle Mundt has shown, sometimes in difficult situations, and she's able to exercise very valuable influence on the orientation of these bodies. As a result of the attacks made on the principle of special protections for women workers at the Paris Women's Suffrage Conference, donc 26, il s'agit de 1926, donc le moment où l'Open Door International est créé, Mademoiselle Mundt has been particularly active in organizing a campaign of support for the special protection of women and in mobilizing the working women to give expression to their claims in opposition to academic equal rights propaganda. Donc là, dans ce rapport-là, c'est très clair, mais ici, l'organisation, l'Open Door International n'est pas mentionné, ce qui sera plus tard dans d'autres rapports. C'est très clair que c'est de ça qu'il s'agit. Et ce qui est très intéressant dans cette source, c'est qu'on voit qu'on opère, que son chef, donc les fonctionnaires du PT, opère une séparation entre le positionnement, soi-disant, académique des femmes égalitaristes et Mademoiselle Mundt, qui, disons, selon son CV, elle a quand même fait pas ça dans l'étude, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été engagée. Donc tous les rapports continuent dans le même sens et en fait au fur et à mesure des années il y a de plus en plus cette importance de son travail contre les organisations égalitaires qui sont mises en évidence. Notamment, je ne résiste pas de le citer, en décembre 1927, un chef de division a écrit à son propos: j'ai surtout apprécié ses efforts pour faire pénétrer dans le mouvement féministe épris de l'idée d'égalité complète entre les sexes, l'idée sociale sur la nécessité de la protection spéciale de la femme travailleuse. Donc, d'une part, c'est très clairement dit, d'autre part, c'est aussi très clair qu'en 1927, le Bureau international du travail est tout à fait au courant que la politique qu'il pratique n'est pas du tout quelque chose qui va de soi. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que personnellement, Mademoiselle Mundt, donc Martha Mundt, elle est mademoiselle, qui est d'ailleurs le cas de la majorité des fonctionnaires, surtout celles qui sont membres de section, donc qui ont un statut professionnel plus élevé, ou disons plus élevé, ouais. Et donc, en faisant ça, Mademoiselle Mundt semble avoir acquis une autonomie dans son travail, tel que le rapport de son nouvel supérieur hiérarchique dit, selon mon point de vue, c'est une employée très dévouée, ça revient très souvent en termes de dévouée, et active, mais ses activités se confinent presque exclusivement en relation avec les organisations féminines, en champ d'activité dans lequel je ne peux pas prétendre d'être un expert. Donc, c'est assez rare en fait que quelqu'un dise qu'il n'est pas expert dans quelque chose, mais là en tout cas c'est dit. Mais ce qu'on voit surtout derrière ça, c'est qu'il a de la peine à faire un rapport sur ses activités parce que de fait elle travaille sous sa direction, mais elle fait ses petites affaires toute seule. De fait, elle constitue un service à elle toute seule. Et donc en guidant le service, Martha Mundt, par son dévouement quasi religieux, je prends la citation de son dernier rapport de 32, et par son activisme auprès et contre les organisations féminines et féministes, a gagné personnellement une augmentation de salaire de 10 000 francs annuels et une indépendance dans son travail. Donc, je caricature un peu, mais c'est quand même important de montrer aussi que c'est pas n'importe qui peut faire aussi carrière au Bureau international du travail, évidemment, s'il y a mérite. Parce qu'en fait, à un moment donné, je le dis, parce qu'à un moment donné, son supérieur dit qu'il faut l'augmenter parce qu'elle a travaillé beaucoup pour répondre à les idées protectionnistes de l'Organisation internationale du travail. Donc c'est lié. Mais sur un niveau plus général, on peut dire aussi que ces activités préfigurent le service du travail sur les femmes et les enfants, le service sur le travail des femmes et des enfants, avec les buts qui continuent à être similaires durant les années 30 et jusqu'à la fin de la... Enfin, jusqu'à à peu près, ouais, jusqu'à ce que Marguerite Hibert parle, en fait, qui sont similaires à ceux qu'elle a aidé à promouvoir. Il me reste très peu de temps. Donc, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur elle, mais je vais m'arrêter là. Encore peut-être 5-10 minutes, ouais, quand même. Hein. D'accord. Je m'en ai juste cité parce que là, c'est une interview qu'elle, elle produit à la fin. Donc, en 1931, elle arrive à l'âge de la retraite et elle aimerait bien prolonger son contrat de 6 mois. Donc, elle écrit une lettre au directeur et dans laquelle elle se met, elle, donc je cite, « Pendant la conférence du désarmement, donc qui aura lieu en 1932, toutes les grandes organisations de femmes vont envoyer des délégués pour suivre les travaux de la conférence et en même temps pour tâcher d'influencer l'opinion publique au sujet de la protection du travail des femmes. Vous connaissez la tendance dangereuse de cette activité, il aurait le plus grand intérêt pour le bureau à intervenir dans les réunions, entretiens, rencontres, etc. qui se produiront à ce moment. Mon expérience déjà ancienne du mouvement féminin, ainsi que mes nombreuses relations personnelles dans les organisations de femmes, me permettent d'agir avec le maximum d'efficacité. Il est à prévoir d'autre part que le conseil d'administration va décider d'élargir les travaux entrepris par le bureau pour les femmes, donc elle le sait déjà qu'il y aura quelque chose qui va être créé, et elle aimerait pouvoir faire partie des personnes qui décident à qui on va s'adresser pour demander des questions qui touchent au travail des femmes. Finalement, et là c'est important parce que le mot est enfin lâché, elle dit « Il aura, en mai 1932, la 15e session de la Conférence internationale du travail qui provoquera à nouveau la venue à Genève d'un certain nombre de femmes déléguées et peut-être une nouvelle activité de l'Open Door. Ma présence au bureau pendant toute cette période serait donc tout à fait justifiée. » Elle rajoute à la fin qu'elle a aussi besoin d'argent parce que ses économies ont fondu avec la crise en Allemagne et qu'elle a sa mère à charge. Et elle obtient sa prolongation de contrat. Et 6 mois, mais bon, parce qu'il, en fait, aussi, c'est aussi très intéressant, c'est parce que c'est des femmes qui savent aussi se défendre dans leurs conditions d'emploi, puisque en fait, elle demande la prolongation de son contrat afin d'avoir droit à la retraite, parce qu'en fait, la retraite est fixée à 12 ans apparemment. Elle arrive à 11-5, elle dit « Ok, maintenant, il me faut 6 mois pour avoir droit à la retraite », ce qui est absolument extraordinaire, elle a tout à fait le droit, mais disons qu'elle une fois de plus, elle prend, si on veut, sa vie en main et elle fait les démarches nécessaires. Alors, la deuxième chose dont j'ai parlé, c'était le comité de correspondance qui est mis en place après des longues déambulations sur lesquelles je ne reviens pas. Vous les trouvez, comme j'ai dit, à la fois dans la thèse de Céline en partie et en partie aussi dans l'article, non, dans la présentation que nous avons fait, un colloque sur le PLD qui a eu lieu en mai 2009 et qui va prochainement être publié sous une forme plus, eh bien, je sais pas, plus améliorée, quoi. Mais ce qui me semble très important quand même à mettre en évidence, dont j'en ai parlé un petit peu au début, c'est que ce comité de correspondance a un statut tout à fait particulier. C'est une commission qui demande un travail bénévole de à peu près 108 personnes dans le monde entier, qui sont sollicitées notamment par Marguerite Hibert, mais elles peuvent être aussi sollicitées par d'autres fonctionnaires, pour fournir des informations sur les conditions d'emploi et de salaire, etc., des femmes qui travaillent. Alors, ça montre évidemment deux choses. D'une part, que les syndicats ne font pas leur travail, puisque les syndicats, de toute manière, doivent fournir des indications sur les conditions de travail de tous les travailleurs et travailleuses. Donc, il y a quand même un vide statistique qui doit être rempli par le biais de ce comité de correspondance. Mais ça montre aussi que ces personnes, elles font ça en plus de leur travail. Alors, déjà, elles font ça en plus de leur travail. En plus, elles ne sont pas liées par un contrat. Donc, outre le fait que ça ne laisse pas de traces dans les sources, ça permet difficilement à Marguerite Hibert, qui est souvent en charge de récolter les informations, d'avoir un contrôle, en fait, sur le délai d'envoi des réponses. Alors, je vous donne un exemple, parce qu'il est particulièrement frappant. Marguerite Hibert envoie en juin 36 à plusieurs, pas à tout le monde, mais elle envoie une très longue enquête, disons, avec beaucoup de questions, ou membres de comités de correspondance, dans lesquels elle leur demande d'obtenir des réponses dans un délai maximum de 6 mois, ce qui est déjà relativement conséquent. Alors, une des réponses qu'elle reçoit par une Suissesse, elle arrive souvent en juillet 1937, donc une année après. Par ailleurs, elle fait un bilan en mai 1937 dans une correspondance qu'elle adresse au secrétaire de la Fédération internationale des syndicats. Elle fait l'inventaire en fait de toutes les réponses qu'elle a reçues et elle lui dit, je cite, « Sauf pour la question des salaires concernant quelques industries en Belgique, Grande-Bretagne et Tchécoslovaquie et concernant les emplois de bureaux et de commerce dans une douzaine de pays, notre récolte d'informations a été assez maigre dans les organisations syndicales. » etc., etc. Et elle lui dit « Je serais donc très heureuse si vous pouviez stimuler la collection des informations comme vous en aviez l'intention. Même si ces informations ne me parviennent qu'à la fin de l'année 1937 ou même au début 1938, elles seront utilisées car le dépouillement de la documentation possédée par le bureau, etc., etc. va prendre du temps. » Donc, l'enquête est lancée en juin 1936 et en fin 1937, elle dit que même si elle reçoit les résultats en 1938, c'est pas très grave. C'est quand même des conditions de travail particulièrement difficiles pour elle, qui est censée quand même pouvoir après faire une analyse de ces conditions d'emploi. Alors néanmoins, Marguerite Thiber fournit, elle a notamment écrit un livre très important, publié en 1936 par le BIT, sur la situation légale des travailleuses. Et c'est un livre qu'on peut utiliser très facilement comme source parce que ça récolte énormément d'informations. Donc malgré tout ça, toutes les difficultés qui sont liées à son travail, à son statut, au statut de ses collaboratrices et collaborateurs, elle arrive quand même à faire un travail impressionnant, il faut dire. Évidemment, ça veut dire aussi qu'elle est veuve aussi, elle n'est pas Nice, mais elle est missise, mais elle est veuve. Et elle passe tout son temps en fait à travailler pour le bureau. Donc, dernier point sur Marguerite Thiber, parce qu'évidemment, donc, au-delà de tout ce que j'ai dit, son investissement dans la vie du BIT, évidemment les archives qu'elle a récoltées et les analyses qu'elle a faites, elle poursuit les autres objectifs du BIT, c'est-à-dire la lutte contre les féministes égalitaires, et cela, on peut le voir dans plusieurs sources. Non, ça va. Donc là, vous avez un exemple d'une lettre qu'elle écrit en 1934. Parce qu'il faut quand même dire deux mots pour les années 30. Donc, elle continue à défendre une position de protection, de législation particulière spécifiquement protectrice envers les femmes. Le problème, c'est que dans les années 30, dans presque tous les pays européens, il y a une offensive contre le travail salarié des femmes mariées, et qui provient de différents milieux. Et donc, du coup, elle se trouve un peu un porte-à-faux, parce qu'elle ne peut pas prendre appui sur toutes les organisations féministes qui combattent pour l'accès à l'emploi des femmes. Et puis, en même temps, elle est obligée, soit parce qu'elle y croit, soit pour des raisons aussi de professionnalisme, on va dire, de défendre la position du BIT qui reste intraitable, on va protéger les femmes plus que les hommes. Alors là, cette lettre, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle le dit à la page 2, elle est invitée pour une conférence, elle dit « Je ne peux pas venir avant que vous m'assuriez qu'il n'y aura pas de personne qui va défendre une position autre que celle du BIT sur la protection du travail. Autrement, je me verrai dans l'obligation de m'élever publiquement contre ces attaques pour ne pas laisser s'établir de confusion dans l'esprit des auditeurs. Cette discussion publique entre nous serait très désagréable pour nous toutes et aussi, il me semble, serait d'un effet fâcheux sur le public. » Alors là, je trouve que c'est difficile d'analyser cette source parce que je pense qu'évidemment il y a une part de stratégie parce qu'elle essaie d'exercer son influence et puis le rapport de force, en fait elle crée un rapport de force avec la présidente du Conseil international des femmes, et puis à la fois probablement ça reflète aussi son souci de ne pas être présenté par d'autres comme quelqu'un qui défend une politique contre l'emploi des femmes. Elle termine sa lettre, je trouve ça assez... Ouais, bon, bref, je le cite. dans l'espoir que nous arriverons à une entente qui, je le crois, dans ma conscience de féministe convaincue, serait la plus utile à la cause des femmes, je vous prie d'agréer, etc. Donc elle signale d'emblée son positionnement. Et ça montre aussi que les féministes, comme évidemment toute autre organisation, peuvent se revendiquer féministes ou ne pas être d'accord sur un certain nombre de choses, comme par exemple sur la protection des femmes au travail ou pas. Je voulais dire quelque chose là-dessus. Alors, donc, on le trouve aussi dans d'autres endroits où elle est beaucoup moins stratège, puisqu'elle s'adresse à des personnes qui sont d'accord avec elle, notamment quand elle écrit une lettre en 1938 à un collaborateur externe du PIT. Elle dit « Hélas, oui, depuis quelques semaines, je n'entends bruit que de l'agitation des organisations féminines, ou du moins de certaines d'entre elles, qui voudraient obtenir une résolution de la conférence sur l'égalité de droits des femmes. Mais j'espère qu'elles n'ont trouvé encore aucune personne pour la présenter, et je vous prie de faire tout ce que vous pourrez pour les décourager, notamment en leur faisant craindre un échec, qui d'ailleurs serait certain si elles s'en mêlent, etc. » Donc, c'est une source qui ne pose absolument pas question, du coup, pour Mélanie, parce que là, elle dit clairement qu'il faut utiliser toutes les stratégies possibles pour contrer l'expression publique des organisations qui demandent l'égalité des droits. Alors, je vais terminer par dire que le travail, autant le travail des militants dont il est à question dans la première partie de l'exposé, que les fonctionnaires qui sont engagés dans et autour des questions sur le travail féminin sont souvent en lien étroit ou se revendiquent elles-mêmes d'associations féminines et féministes, elles se revendiquent féministes. Donc là, vous avez aussi un exemple, par exemple, d'une autre fonctionnaire qui s'appelle Lucie Schmitt, sur laquelle je n'ai pas du tout de m'arrêter, et ce n'était pas prévu. Bon, d'une part, c'est une source assez exceptionnelle parce que c'est un CV qui est un peu. Pas comme les CV d'aujourd'hui, donc il fait tout son parcours qui la situe tout à fait aussi dans une classe sociale, ce qui est d'ailleurs tout à fait c'est un exemple qui correspond aussi aux autres fonctionnaires. Mais là, par exemple, on peut voir très bien qu'elle a des liens avec notamment l'Office central suisse pour les professions féminines, dans lequel différentes associations féminines et féministes suisses sont impliquées, qu'elle a donné des cours à l'école Vinet. L'école Vinet, c'est une école privée pour des filles, mais dans laquelle plusieurs féministes d'envergure ont enseigné et qui, par ailleurs, après, ont pris des positions, par exemple, aussi dans le Bureau international de l'éducation. Donc, on a un cercle, en fait, assez centré, des personnes qui se connaissent entre elles et qui, à la fois, en même temps que leur travail, exercent aussi une pression pour obtenir l'égalité, quelle qu'elle soit après la façon dont elle peut la définir ou pas. Ce que je trouve aussi intéressant dans le profil social, donc que j'ai dit, c'est petite bourgeoisie plutôt éclairée, cultivée, des femmes qui ont fait des études, qui ont parfois commencé des thèses ou parfois arrêté. Par exemple, Marguerite Hiver, elle a fait une thèse avant de rentrer au Bureau international du travail sur le socialisme et le féminisme au XVIIIe siècle. Donc, son engagement n'est pas inconnu. Ce que je voulais dire par là, c'est que, afin de justifier les positions qui sont parfois attaquées par les féministes égalitaristes, ces femmes, ainsi que leurs collègues masculins, utilisent l'argument de féministes élitistes académiques théoriques contre le besoin de donner une réponse concrète et particulière aux conditions de travail des ouvrières. Alors, il ne peut du tout s'agir là d'un argumentaire à reprendre tel quel dans l'historiographie, et ça demande beaucoup plus de finesse dans l'analyse, puisque la majorité de ces femmes sont issues des mêmes classes sociales, et aussi, à l'encontre, les représentantes ouvrières de certains pays, comme par exemple de la Suède, ne défendent pas, ou la Norvège, ne défendent pas toujours systématiquement une réglementation spécifique du travail féminin, comme le prétendent les fonctionnaires dans le réglementaire. Et donc, du coup, je vais m'arrêter là, et je vous remercie pour votre attention. Merci. Enfin, je pense qu'on peut enchaîner directement et faire la discussion sur les deux après, parce qu'il y a vraiment une continuité oui, évidente, puisqu'on va retrouver Marguerite Thibert. Voilà.